Et si c'était le moment de retrouver le chemin de la confiance et de l'optimisme? Dans le livre « La confiance en soi », Charles Pépin nous donne les moyens de passer à l'action. De la philosophie antique à Madonna, de la psychanalyse à Serena Williams, l'auteur fait de la philosophie une force de vie quotidienne. Cultivez à votre tour la joie et l'audace. « La confiance en soi » de Charles Pépin est disponible en librairie, aux éditions Pocket. Pocket, un livre, une rencontre. Je vous propose aujourd'hui de redécouvrir une série d'émissions autour du pianiste et jazzman Keith Jarrett, diffusée en novembre 2020. Aujourd'hui, troisième temps, on ne s'improvise pas improvisateur. Sol, ré, do, la. Ainsi commence l'une des plus belles mélodies du XXe siècle, née de la rencontre entre un homme et un piano, sur la scène de l'Opéra de Cologne, le vendredi 24 janvier 1975. L'homme s'appelle Keith Jarrett. Quelques années auparavant, il a enregistré son premier album solo, qui a obtenu le Grand Prix du Festival de Montreux, puis il a joué seul avec son piano, en public, à Brême et à Lausanne. Mais ce jour-là, quelque chose de plus va se passer. Sol, ré, do, la. Ce qu'il se passe ce jour-là va marquer, enchanter, envoûter des millions de personnes qui n'en reviendront pas d'entendre ce qu'ils entendent plusieurs décennies après le concert. Alors, état de grâce ou résultat d'années de travail acharné, ce que nous savons, c'est que cette musique inouïe est entièrement improvisée. L'anthropologue Denis Laborde est avec nous ce matin pour tenter d'en percer le mystère. Sol, ré, do, la. Voici les deux premières minutes de ce concert qui, ne vous inquiétez pas, va nous accompagner jusqu'à 11h, mais petit à petit. Quel exercice de frustration, ne vous inquiétez pas, on y revient dans un instant. Bonjour Denis Laborde. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin depuis Bayonne. Vous êtes anthropologue, directeur de recherche au CNRS. Vous avez reçu la médaille d'argent du CNRS 2020, toutes mes félicitations. Vous êtes également directeur d'études à l'EHESS, directeur de l'Institut de recherche HARI à Bayonne. Vous avez écrit sur l'improvisation, la mémoire et l'instinct, notamment les improvisations chantées aux éditions Elkar. Et c'est avec vous ce matin qu'on va tenter de percer le mystère de l'improvisation. Que propose Keith Jarrett sur scène à Cologne en 1975? Bon, disons-le tout de suite, est-ce que ce mystère, on peut le percer ou pas? Mais non, surtout pas. Non. Non, ce serait trop dommage. Il faut garder une part de mystère, justement. Il faut garder. On peut expliquer comment les choses se passent, mais ouais. On peut sans doute expliquer ce mystère. Et ben alors, précisément, en ce qui concerne le concert de Cologne, contrairement aux apparences, parce que la mélodie, là, en tout cas le début, est très fluide et donne envie d'écouter la suite, mais ça a très mal commencé pour lui, non? Ah ben c'est le concert mythique dont tout le monde a envie de parler. Et vraiment, dans cette semaine, je vous remercie, Adèle Vendrette, de proposer que cette heure d'aujourd'hui soit consacrée à une grande partie à ce concert. C'est la Joconde du jazz, ce concert. C'est vraiment un moment très exceptionnel. Et effectivement, les choses, c'était pas du tout prévisible que les choses se passent de cette manière. Tout avait mal commencé. Keith Jarrett est avec le producteur allemand de sa tournée, Manfred Eicher. Alors Manfred Eicher, c'est vraiment une légende du monde de la musique. Hein. C'est lui qui a fondé ECM à Cologne. Il a édité Steve Reich, Arvo Pärt, John Adams, Mary Monk, etc. Donc c'est lui qui pilote la tournée européenne de Keith Jarrett. Il roule en 4L. Ils sont arrivés très tardivement ce 24 janvier à Cologne. Le concert a lieu à l'Opéra. Et quand ils arrivent dans l'opéra, le piano qui avait été commandé n'a pas été apporté parce que ça arrive en Allemagne aussi. Les transporteurs sont en grève. Il faut savoir que pour qu'ils arrêtent, c'est la fin du monde. Hein. S'il n'a pas son piano, il refuse de jouer. En principe, voilà, il est connu pour ça aussi, pour ses excès dans ce domaine-là. Et le piano qui est sur place est un désastre. Il refuse de jouer. Manfred Eicher tient bon, le persuade et finalement, il joue. Bon. On est à Cologne, dans l'opéra, il faut imaginer un petit peu la scène, la jauge est à 100%. On a tellement parlé de ce concert qu'on a l'impression d'y avoir été. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi j'ai l'impression d'y avoir été. Ah ben, j'aurais adoré, mais malheureusement, on ne peut que l'écouter. Les gens discutent et le régisseur fait sonner l'appel pour que les gens entrent dans la salle. Et donc, la sonnerie de l'opéra de Cologne sonne. Sol, ré, do, la. Et alors, en allemand, ça se dit GDCA plutôt, mais bon. Et les gens prennent place. L'intensité lumineuse baisse. Keith Jarrett arrive sur scène, se met au piano. Vous connaissez son attitude. Main sur les cuisses, tête baissée. Et puis, il commence. Et là, que joue-t-il ? Sol, ré, do, la. Voilà, sol, ré, do, la. C'est-à-dire que bon, ceux qui ont écouté Raphaël Imper, il n'a pas pu s'empêcher de pas évoquer cette scène. C'était lundi dernier, oui. Voilà, lundi dernier. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'à ce moment-là, il reprend, c'est un procédé bien connu, c'est un procédé d'anadiplose, mais il reprend donc en incipit, donc une phrase qui marque la fin de la séquence précédente. Donc il recommence sol, ré, do, la, et il le joue deux fois. Et après, c'est parti, quoi. Ré, mi, fa, mi, ré, do, mi, la, sol. Voilà, on connaît la suite. Après, c'est parti pour 66 minutes d'improvisation ininterrompue. Et ce qui est de très fort et de, on peut dire, un peu magique quand même, en tout cas, un peu mystérieux dans cet incipit, c'est vraiment cette capacité qu'il a à ce moment-là d'instaurer une solution de continuité. Peut-être, enfin, moi, je le vois comme ça, en tout cas, entre disons un monde extérieur qui est le monde de la manifestation publique du concert avec la sonnerie quoi de l'opéra de Cologne et puis le monde intérieur qui est celui de la musique. Donc ce procédé d'anadiplose là qui est assez familier quand même au très très bon improvisateur est ce qui a marqué le début de ce concert et la naissance du mythe. On va écouter la suite dans un instant, Denis Laborde, mais avant cela, vous avez beaucoup travaillé sur l'improvisation. Vous êtes anthropologue, je l'ai dit, et je le répète, mais vous prenez un parti clair dans la question de l'improvisation, vous dites, mais l'improvisation, finalement, c'est pas tellement un état de grâce, c'est pas l'idée qu'on se fait du génie romantique qui regarde vers le ciel et qui se laisse inspirer par sa muse, c'est le résultat d'années de travail acharné. C'est comme ça que vous expliquez les choses, si j'ose dire. Écoutez, franchement, c'est le drame de mes 17 ans. Je ne sais pas si j'ai le droit de parler de moi. Ah bah, je vous en prie. Voilà, on vient de passer le bac, on fait un repas dans une pizzeria. On est déjà ici, à Bayonne. Et puis, pour mon plus grand malheur, il y a un piano dans cette pizzeria. Donc, on est à peu près la moitié de la classe, là. Et puis, tout d'un coup, mes camarades de classe me disent « Allez, Denis, vas-y, va au piano, improvise un truc sympa. » Et moi, je suis élève au conservatoire, j'ai un piano classique, j'ai du Chopin plein les doigts et absolument aucun repère en jazz. Et j'essaye et il se passe absolument rien. c'est un échec total, c'est une honte absolue, et donc je quitte les lieux. Et c'est vraiment mon grand traumatisme. J'ai découvert ce jour-là qu'on ne s'improvisait pas, improvisateur. Et vraiment, ce qui se passe là, il y a une très belle étude d'un ethnométhodologue qui s'appelle David Sedlow, Jazz Making Hands. Il a étudié lui-même ce processus de transformation sur lui-même. C'est Jazz qui fait les mains, qui fabrique les mains, au fond. Non, c'est les mains, Jazz Making. Ah, Jazz Making en un mot, alors d'accord. Les mains qui font le jazz. Voilà, les mains qui fabriquent le jazz. Ouais. Il a étudié donc, la façon dont ses mains, qui étaient habituées à un répertoire classique, se sont transformées en mains de jazz, c'est-à-dire avec une certaine automaticité dans l'enchaînement des accords, voilà, etc. Ben, les positions, les styles, la possibilité de fabriquer du groove, etc. Et donc vraiment, tout ce travail-là, c'est un travail d'apprentissage intégral. Improviser, ça s'apprend. Pour le moment, j'en reste là au niveau du geste. Je pense qu'on va pouvoir développer plus tard aussi. Mais Écoutons, si vous voulez, le deuxième extrait du concert de Cologne pour qu'on puisse en dire plus. C'est un extrait qui commence à 5 minutes 18, donc un peu plus tard que là où on l'a laissé. Peut-être on peut dire à l'auditeur de faire attention à certaines choses, notamment on va entendre les battements de pied de Kizaret, n'est-ce pas ? Est-ce que vous voulez attirer l'oreille de l'auditeur sur autre chose aussi au cours des 3 minutes qu'on va entendre ? Les cris, évidemment. Les cris, le corps, et puis imaginez Kizaret au piano, il n'est pas du tout dans une position statique. Voilà, il se lève, imaginez. Et puis je crois, ça c'est vous qui me l'avez indiqué, qu'à 2 minutes 18 du morceau, on va entendre une sixte mineure. C'est un accord particulier qui est extrêmement connu. Enfin, celui-ci, cette sixte-là est devenue très connue, c'est ça ? C'est la sixte mineure la plus connue de tout le répertoire de la musique. Ah oui. Si, mi, do, do, mi, mi, do, do, mi, ré, si, si. Oh, ça, c'est extraordinaire. Allez, on y va. Après, si vous voulez. Oui, ça va. Alors, c'est 5 minutes 34. Donc, chers auditeurs, si vous voulez entendre cette sixte mineure, vous allez l'entendre de toute façon. C'est à 2 minutes 18. Donc, c'est parti pour 5 minutes 34 du concert de Cologne 2 qui s'arrête sur France Culture. Thank you. écoutez le concert de Cologne de Kijaret sur France Culture, Les Chemins de la Philosophie, aujourd'hui en compagnie de l'anthropologue Denis Laborde, qui est avec nous depuis chez lui à Bayonne. Kijaret affirme lui-même qu'il improvise toujours à partir de rien. Toute la question est de savoir, Denis Laborde, si ce rien, pour le musicien qu'il est le manque de quelque chose ou un plein qui surgit spontanément. C'est lui-même qui formule cette question et ça s'applique à ce que nous sommes en train d'écouter. On se demande, mais d'où ça vient? Comment cette musique lui vient-il? Oui, bon. Alors ça, c'est là que la description de l'improvisation rencontre forcément le mythe. Ce qui est extraordinaire dans cette séquence du concert de Cologne que vous venez de passer, c'est effectivement le contraste gigantesque. Je pense que c'est perceptible à l'enregistrement, le contraste gigantesque entre la simplicité de la mélodie. Mmh. Si, mi, mi, do, do, mi, mi, mi, mi, do, ré, ré, si, si. C'est tout simple. Et l'effort démesuré, la souffrance exprimée par son corps, qui est tendu à l'extrême. Il chante, il crie, on l'entend, il tape du pied. Et ce qu'on entend, c'est une mélodie toute simple. Donc ce qu'il y a d'assez fort et d'extraordinaire là, chez qui j'arrête en général, mais c'est vraiment le fait qu'il nous rend témoin de la fabrication de musique. Et c'est ça qui nourrit finalement le mythe, d'une certaine manière, c'est que lorsqu'il improvise, il nous rend témoin de ce qu'il fabrique l'activité. Et là, lui, quand il ne fait pas, Kijaret ne fait pas de la musique comme une activité, si vous voulez, c'est comme je fais du vélo. Vraiment, il fait la musique au sens où il la fabrique et il nous rend témoin de cette fabrication de musique. Et pour lui, faire la musique, c'est pas le verbe faire, ça devient un verbe de création à ce moment-là, et pas du tout un verbe d'activité. Mais c'est là que tout ce qu'il y a en amont, tout son travail de mise en corps, la corporéité du geste musical improvisé, tout ce travail qu'il fait en amont, tout ce travail de conception, de routine, on peut le dire, peut-être on en parlera tout à l'heure, tout ça disparaît au moment où il nous rend complètement témoin de cette fabrication de musique. Alors, je ne sais pas si vous voulez qu'on développe sur ce sujet. Ah, ben si, je vous en prie. Vraiment, ça nous amènerait assez loin, mais ce qui est en tout cas très fort dans la situation, c'est cette position de témoin dans laquelle il nous met. Et c'est pour ça qu'on l'aime, parce qu'on a l'impression de créer avec lui. Enfin, l'histoire de l'anadiplose tout à l'heure, avec le début, l'insipide du concert de Cologne, c'est typiquement ça. Voilà, il entre en quelque chose qui se passe dans l'environnement et il en fait une ressource pour son action. Ce que vous voulez dire, c'est qu'au fond, cette virtuosité, alors le terme s'applique-t-il, hein, mais on a envie de l'appliquer en tout cas à ce qu'on entend là, cette virtuosité n'existe que parce que nous sommes témoins, vous avez prononcé le terme à plusieurs reprises, c'est qu'au fond, pour que virtuosité il y ait, peut-être que pour que génie il y ait, il faut être deux, il faut un artiste, un musicien et les spectateurs. Ben oui, c'est-à-dire que si on tient quelques... une interprétation pour virtuose ou pour génial, le fait que cette interprétation ou que ce jeu, que cette création musicale soit géniale ou soit virtuose, n'est pas possible sans une croyance en la virtuosité de cette interprétation. Donc forcément, le jeu musical, le jeu du pianiste, le jeu de l'improvisateur n'est pas séparable de l'appréciation que peut en faire que nous pouvons nous en faire en tant qu'auditeur. Donc, si vous voulez, la virtuosité de Kijaret est très dépendante du fait que nous croyons en la virtuosité de Kijaret, ou pour le dire plus simplement, peut-être, elle est très dépendante du fait que nous voyons de la virtuosité dans le jeu de Kijaret. Oui, mais après c'est toute la question et la magie de ce qu'on appelle le jugement de goût, selon l'expression de Kant, c'est de savoir, de dire qu'on ne peut pas expliquer pourquoi nous nous accordons à trouver Kijaret et le Cologne Concert génial. C'est-à-dire d'où vient cette espèce d'universalité que l'on postule quand on dit mais c'est magnifique et je ne peux pas imaginer un instant que vous ne trouviez pas ça magnifique. Absolument, à condition que je ne l'écoute pas comme un anthropologue. Pourquoi ça? Si je l'écoute, parce que forcément, je suis obligé, pour le trouver génial, d'essayer de baisser la critériologie qui me fait appréhender des situations comme celle-là. Et si je diminue la question, si je renonce à la dimension de la critériologie, et juste pour écouter, pour me laisser aller, alors c'est vraiment génial. Parce que mais vous... c'est une construction culturelle. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est une... moi, je postule pas l'universalité du goût, mais je poserai juste que c'est une construction culturelle qui nous fait apprécier ce concert. Donc ce qu'on tient pour génial est en fait le résultat d'un apprentissage, non seulement de la part du pianiste, mais aussi de la part de celui qui écoute. Absolument, absolument. Cet apprentissage-là, il passe par une technique. Alors pour le pianiste, on peut imaginer ce que c'est que développer la technique, surtout de la main droite et de la main gauche. En ce qui concerne le pianiste, on y reviendra. Mais comment est-ce qu'on apprend à écouter? Parce qu'il y a quand même une immédiateté qui nous frappe quand on écoute ce concert-là. On ne se dit pas, tiens, j'ai l'oreille aiguisée, donc je peux voir que c'est beau. Alors, la difficulté de l'improvisation, c'est que le mot lui-même, l'improvisation, ça signifie à la fois le processus, c'est l'art de composer. Alors, vous ouvrez le Robert ou n'importe quel dictionnaire, ça vous... au mot improvisation, c'est l'art de composer sur le champ et sans préparation. Voilà ce qu'on nous dit de l'improvisation. L'art de composer, mais en même temps, l'improvisation, c'est le résultat de cette action. C'est-à-dire l'improvisation, le concert de Köln, voilà, c'est une improvisation. Et entre... le fait que le mot s'applique à l'action elle-même et qu'il s'applique aussi au résultat de cette action, ben ça crée des malentendus et des confusions. D'une part, on veut que l'improvisation ce soit, c'est pas un jaillissement spontané qui s'applique à un régime d'immanence, qu'elle s'applique à un régime d'immanence très particulière. Mais d'autre part, on sait bien que du savoir-faire est nécessaire. Enfin bon, on en a parlé déjà tous les deux. On sait bien que du savoir-faire est nécessaire et que malgré ça, on nous dit que Ernst Ferrand, par exemple, enfin, c'est vraiment un des premiers à avoir théorisé la question de l'improvisation. Ferrand, qui était prof à Harvard et qui a installé dans toutes les encyclopédies et dans tous les dictionnaires cette idée que l'improvisation jaillit de l'inconscient musical sans l'intermédiaire de la pensée et sans la réflexion, ce qui est une manière tout à fait mythique de voir l'improvisation, parce que évidemment il n'en est rien. Lorsque Kizaret se lance dans une improvisation, il dispose d'un script. Il ne part pas de rien, même s'il improvise, il ne part pas de rien. Il a un corps qui est façonné, il a des enchaînements d'accords, il a une virtuosité de main droite qu'il maîtrise, qu'il a appris à maîtriser. Et il se lance dans une improvisation avec un script, ou en tout cas un scénario prototypique qu'il va le conduire, parce que ces formats de concert solo, en tout cas, sont des formats assez, assez prototypés. C'est-à-dire qu'ils se ressemblent entre un concert solo de la même époque et un autre, il y a des ressemblances? Mais oui. Je dois dire que pour préparer ces émissions, j'ai découvert le concert de Norvège, que je ne connaissais pas, qui a eu lieu en 72, donc 3 ans avant le concert de Cologne, et on trouve une vidéo sur YouTube. Alors vraiment, je vous encourage à regarder pour voir le corps de Kizaret en action. Et en écoutant le concert de Norvège, on entend effectivement beaucoup de points qui, enfin, de notes et de mélodies qui rappellent notamment la dernière partie du concert de Cologne. Et ça, vous pensez, donc en fait, c'est des choses qu'il a en lui et qu'il, à partir desquelles il part quand il est face à son piano en concert. Ce sont des répertoires d'action, ce sont des skills, hein, des habiletés qu'il a incorporées. Mm-hmm. Et alors, je veux pas décevoir ou décevoir les auditeurs qui peuvent croire l'aspect immanent de l'improvisation, mais l'art de l'improvisation est quand même avant tout un art de la routine. Mmh. On est dans la routine. C'est-à-dire qu'il y a des manières de faire qui sont routinisées complètement, et c'est à la condition de maîtriser complètement ces routines, qui sont des routines comportementales, qu'on peut avoir une chance d'improviser. Donc là, on casse complètement le lien entre la routine et puis l'immanence de l'improvisation. Ah ben, je salue votre chien qui a envie de participer aussi à cette émission. Alors, je vous propose qu'on écoute un texte ensemble, Denis Laborde, puisque l'anthropologue que vous êtes et qui croit en la fabrication et en travail qui conduit à l'improvisation que nous venons d'entendre, eh bien, comment se fabrique cette improvisation-là? Comment se travaille le doigté, le toucher du pianiste. Le texte suivant est un éloge de la main prononcé par Henri Faucillon en 1934. Enfin, prononcé, c'est un texte écrit. Et dans le texte, c'est formidable parce que Faucillon montre bien qu'il ne croit pas à l'éminente dignité de la main droite et il en appelle à une réhabilitation de la main gauche. Écoutez ce texte et puis on verra comment ça s'applique au travail de Keith Jarrett. Les mains ne sont pas un couple de jumeaux passivement identiques. Elles ne se distinguent pas non plus l'une de l'autre comme la cadette et l'aînée, ou comme deux filles aux dons inégaux, l'une rompue à toutes les adresses, l'autre serve engourdie dans la monotone pratique des gros travaux. Je ne crois pas absolument à l'éminente dignité de la droite. Si la gauche lui manque, elle entre dans une solitude difficile et presque stérile. La gauche, cette main qui désigne injustement le mauvais côté de la vie, la portion sinistre de l'espace, celle où il ne faut pas rencontrer le mort, l'ennemi ou l'oiseau, elle est capable de s'entraîner à remplir tous les devoirs de l'autre. Construite comme l'autre, elle a les mêmes aptitudes auxquelles elle renonce pour l'aider. Sur le violon, n'est-ce pas elle qui fait les notes en attaquant directement les cordes, tandis que par l'intermédiaire de l'archet, la droite ne fait que propager la mélodie? C'est un bonheur que nous n'ayons pas deux mains droites. Comment se répartirait la diversité des tâches? Ce qu'il y a de gauche dans la main gauche est assurément nécessaire à une civilisation supérieure. Elle nous relie au passé vénérable de l'homme, alors qu'il n'était pas trop habile, encore loin de pouvoir faire, selon le dicton populaire, tout ce qu'il veut de ses dix doigts. S'il en était autrement, nous serions submergés par un affreux excès de virtuosité. J'ai remarqué que ma main gauche savait des choses que j'ignorais. Ma main gauche a des facultés que j'ai ignorées pendant des années. Quand j'ai donné le droit de juste jouer, il a commencé à jouer des choses qui ont gardé l'harmonie. Quand je l'ai laissé jouer librement, elle s'est mise à faire des choses qui entretenaient le flux harmonique exactement comme je le souhaitais. Je ne voulais pas résoudre tous les accords. Mais cela n'a pas vraiment porté de fruits justifiant l'énergie que j'y ai investie. Mais c'est la clé du mystère. Il faut travailler dur. Yeah, I'm extremely hard on myself. Je suis très critique envers moi-même, tout le temps. Henri Faucillon à Keith Jarrett sur France Culture, les chemins de la philosophie en compagnie de Denis Laborde. Vous avez entendu le texte d'Henri Faucillon, son éloge de la main gauche, et puis une archive de Keith Jarrett qu'on trouve dans le documentaire de Mike Dibb qui date de 2005, The Art of Improvisation, dans lequel il revient sur un événement qui s'est passé au concert de Tokyo, où il a, semble-t-il, découvert les facultés de sa main gauche. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, Denis Laborde? Là, ce fut terrible parce que c'est le moment paroxystique d'une certaine manière où le corps de l'improvisateur n'agit plus, mais il est agi. Mm-hmm. C'est un peu le moment extrême du lâcher-prise auquel il se réfère si fréquemment, sauf que là, il ne peut plus agir lui-même sur son propre corps. Effectivement, à Tokyo, il raconte que sa main gauche se met à faire des choses incroyables. Elle fonctionne comme par par elle-même. Quoi. Je ne sais pas si je peux décrire la séquence. Ah, bah si, je vous en prie. Elle est quand même assez, assez extraordinaire. Dans un premier temps, sa main gauche se laisse entraîner, comme souvent, dans une aventure assez virtuose qui lui est imposée par la main droite. Je dis ça de cette manière pour faire plaisir à Henri Faucillon, mais bon, peut-être qu'on pourra commenter son extrait tout à l'heure. Ah bah oui. Parce que je suis pas tout à fait d'accord avec lui. Ah bah oui, vous nous direz pourquoi. Alors, il y a une première séquence. La main gauche se laisse entraîner dans une aventure qui est pilotée par la main droite, et comme à l'accoutumée, donc la droite se trouve en position dominante. La gauche accompagne et tout va vite. Chacun suit, mais la mélodie éclate à un moment donné dans tous les sens du clavier. Et même dans tous les sens du piano. À ce moment-là, le concert a été filmé, donc on peut avoir accès. Qui s'arrête complètement de jouer. Il cherche des sons nouveaux. On le voit, il se lève, il entre carrément dans le piano, il se penche dans le piano, il tape dans les cordes, il cherche en tapant dans les cordes de nouveaux appuis d'une certaine manière, le couvercle est ouvert, il frappe et il produit des sons assez inouïs. Ensuite, il se rassoit, c'est une séquence vraiment où le corps se trouve comme possédé d'une certaine manière, et c'est là que la main gauche va prendre le contrôle des opérations. Et elle va occuper donc la place dominante. À ce moment-là, c'est un peu la séquence qu'on a entendue tout à l'heure à Cologne qui se reproduit à ce moment-là. Qui j'arrête se met en transe, il se met à crier, il se met à taper du pied et la main gauche se met à jouer d'une manière un ostinato qui semble un ostinato absolument infini, qui l'empêche de s'éloigner du piano. Il est debout. C'est vraiment saisissant comme séquence. Il est debout, la main droite ne joue plus, seulement la main gauche qui joue un ostinato qu'elle répète. Mmh. Et le corps, à ce moment-là, il est comme figé. C'est la main gauche qui contrôle l'ensemble des opérations. Mais ce qui est incroyable, c'est que dans l'archive qu'on a entendu, lui-même dit qu'il semble avoir découvert sa main gauche à ce moment-là. C'est ça. Mais comment a-t-il pu passer autant de temps à jouer du piano sans découvrir sa main gauche? On est en 1984 quand cet événement se produit à Tokyo. Absolument. Et c'est le moment où il va découvrir qu'il est aussi qu'il souffre d'une maladie, enfin d'un syndrome de fatigue chronique qui est une maladie très handicapante, hein, qui va l'empêcher de jouer pendant 2 années. Et en fait, il découvre parce que c'est la centralité de la mélodie dont on est un peu prisonnier, mais que paradoxalement il a complètement détruite, parce que on peut pas dire que voilà, il y a des moments de ces improvisations où il se fait le chantre de l'improvisation mélodieuse, de la mélodie bien construite, enfin 8/16, etc. Mm-hmm. Mais il y a d'autres moments, enfin plus généralement d'ailleurs, où il est complètement free d'une certaine manière. Et là, effectivement, je crois qu'il découvre à ce moment-là que sa main gauche a des choses à lui dire. Alors on peut le voir dans ce sens-là. On peut analyser d'une manière purement mécaniste ou physiologique, justement, hein, en disant que voilà, c'est une main gauche qui s'installe et que lui-même perd le contrôle de son improvisation à ce moment-là, ou qu'il a un gap, enfin qu'il fait un saut à ce moment-là vers l'inconnu, qu'il ne maîtrise pas ce script de l'improvisation qu'on a évoqué tout à l'heure, que la routine est complètement cassée à ce moment-là et que finalement il ne peut pas lui-même se détacher de cette emprise qu'exerce la main gauche sur non seulement sur le corps mais sur le concert lui-même. Comme si la main gauche reprenait le pouvoir, alors que bien souvent elle ne fait qu'accompagner. Dans les extraits du concert qu'on a entendu, justement, souvent c'est surtout la main droite que l'on entendait, comme si Keith Jarrett ignorait sa main gauche, et là elle reprend le pouvoir. Ça semble donner raison à Henri Faucillon, qui dit que c'est un bonheur que nous n'ayons pas deux mains droites. Et pourquoi êtes-vous en désaccord avec lui? Ce qui m'étonne, c'est qu'Henri Faucillon écrit ce texte en 1934, et 2 ans plus tôt, Maurice Ravel a créé, Paul Wittgenstein, donc le frère de votre ami philosophe Ludwig Wittgenstein, Paul Wittgenstein, donc a créé le concerto pour la main gauche que Maurice Ravel lui a dédié. Ouais. Et je trouve étonnant qu'Henri Faucillon n'efface pas allusion, parce que alors là, c'est un concerto absolument virtuose. et la main gauche, elle existe en tant que telle et joue absolument tous les registres. Voilà. Ça lui donne raison, parce qu'il dit heureusement qu'on a une main gauche. Voilà. Alors, moi, je n'analyse pas ce que je trouve excessif dans son analyse, c'est que je n'analyse pas le rapport main gauche main droite en termes de comme un fait moral ou comme question éthique ou d'une domination de l'une sur l'autre, mais plutôt comme une gestion ou une question des capacités. Bon, il se trouve que il existe dans le monde une grande asymétrie des capacités, qu'il y a davantage de droitiers que de gauchers, et donc cette asymétrie dans les capacités se retrouve dans les usages que l'on peut faire de. Alors, on vous entend bouger, Denis Laborde. Peut-être qu'il y a un problème avec votre micro. Je vous propose de faire un petit pas de côté, de laisser qu'ils arrêtent de côté un très court instant pour écouter cette fois-ci un très court extrait de Télénews Monk, Round Midnight, auquel vous avez consacré un article pour essayer de montrer comment l'improvisation est aussi une manière d'arriver à incorporer ce qu'il se passe pour en faire quelque chose. Vous avez pris l'exemple dans le concert de Cologne de la sonnerie de l'opéra qui retentit et qui va dicter à qui j'arrête ses premières notes. Chez Télénews Monk, c'est une cigarette. Vous écrivez « Monk est au piano, il fume une cigarette, il transpire ». Sur un accord de septième de dominante, il suspend l'activité, fouille dans sa poche, il joue de la main gauche pendant que de la droite, il cherche un mouchoir dans sa poche. Il fume toujours, le solo continue, il passe le mouchoir de la main droite à la main gauche, il poursuit son solo de la main droite, accessoirement avec quelques doigts de la main gauche dans la paume de laquelle il tient toujours le mouchoir. Mais voilà que la cendre de la cigarette menace de tomber sur le clavier. De la main gauche, il prend la cigarette. De la droite, il s'éponge le front avec le mouchoir. Il pose la cigarette à gauche du clavier, l'orientant de telle sorte que la cendre tombe à l'extérieur du clavier. De la droite, il joue deux fois le même motif, puis il pose le mouchoir devant lui sur un pupitre. La situation se stabilise, il joue à nouveau, à deux mains. Du fait qu'il improvise, il n'y a pas de partition. Chemin de la philosophie. Adèle Van Rett. Et voilà comment en improvisation, les accidents peuvent être transformés en moments d'anthologie. Hein. C'est le cas de la cendre qui tombe sur le clavier de Télénews Monk, Denis Laborde. Oui, c'est une séquence absolument extraordinaire du film de Charlotte Ferrin, Straight No Chaser. Voilà, on est en 67, donc c'est la Noël, on est dans le Vanguard à New York, et effectivement cette séquence est absolument extraordinaire parce qu'elle nous renvoie à la question de l'analyse de l'improvisation. Est-ce qu'on va considérer que le mouchoir en question, la transpiration et la cigarette et la cendre font partie des ressources de l'improvisateur, font partie de l'improvisation, ou que ce sont des accidents? Alors, il y a deux manières d'analyser. Soit on fait confiance au pilote mental et on se dit que tout est prévu et que l'improvisateur sait exactement où il va, mais on peut difficilement imaginer que toutes les opérations dont il est question et que vous avez eu la gentillesse de lire cet extrait de mon texte, mais vraiment, voilà, est-ce que un pilote mental va ordonner à, au pianiste de chercher le mouchoir, puis de prendre la cigarette, de s'éponger le front, etc., de poser la, la cigarette sur le rebord du front, de reposer le mouchoir devant lui, tout ça en restant branché sur le quartet, enfin, sur le continuum sonore. Cette interprétation, cette manière de comprendre l'improvisation, en fait, ne me semble pas tenir, et c'est un des éléments d'analyse qui m'a fait, qui m'a converti à une approche plutôt écologique, c'est-à-dire une approche qui fait que la, les habiletés incorporées du pianiste sont tellement manifestes qu'il peut, à un moment donné, transformer ce qui surgit dans l'environnement de la situation en ressources pour sa propre improvisation. Et juste ce qu'on peut dire, c'est que sans le mouchoir et sans le, la cigarette, cette improvisation aurait existé sans doute, mais elle, elle n'aurait pas été, elle n'aurait pas existé de la même manière. Elle n'aurait pas été celle-là. Donc la, la cigarette, effectivement, et le mouchoir jouent un rôle. Et la grande virtuosité de Thelonious Monk, voilà, qui est un autre pianiste de légende, hein, qu'on considère comme fondateur du bebop, etc. Sa grande virtuosité, là, consiste à transformer ces accidents, finalement, en ressources pour son action. Le psychologue James Gibson parlerait de, d'affordance d'action, c'est-à-dire qu'il il transforme des accidents en, en affordance d'action, c'est-à-dire en ressources pour sa propre improvisation créatrice. Mais il n'y a même plus la notion même d'accident est toute relative. L'accident, c'est l'imprévu. Parce que lorsqu'on est dans l'état d'esprit de celui qui improvise, on a la, la grille, les habitudes en tête, enfin les habitudes incorporées dans les mains, le, la grille d'accord ou de chemin de fer à suivre dans la tête. Et ensuite, on compose avec tout ce qu'il y a, que ce soit le, la contrebasse à côté ou la cendre qui tombe. Mais exactement. Mais ça, ça, enfin, le monde des jazzmen regorge d'anecdotes de ce type. Je pense que... enfin, une des anecdotes connues, c'est un concert à la Fête de l'Humanité en 2005 où Michel Portal joue et pendant pendant son concert, voilà, il y a une sirène de pompiers. On entend une sirène de pompiers qui fait irruption dans le l'environnement sonore de ce concert. Et au lieu de la pointer ou de la d'en faire un accident ou de vouloir l'éviter alors que tout le monde l'a entendu, Michel Portal, à ce moment-là, ben, la reprend et limite la sirène de pompier et il en fait donc une ressource aussi pour son action. Là encore, c'est la capacité à transformer un accident de la situation en une ressource créatrice pour sa propre improvisation. Mais ce que vous dites dépasse largement le champ de la musique, non ? J'ai l'impression que c'est une manière d'être au monde, c'est une manière de savoir composer avec ce qui nous arrive, qui était imprévu et qui fait que bah, certains vont paniquer lorsqu'un obstacle imprévu est rencontré, et d'autres vont au contraire vont transformer ça en une situation inédite et qui paraît magique. Ah ben, la question magique, je traverse, j'ai pour objectif de traverser une rue. Je le fais voilà, sans, d'une manière un peu improvisée. À ce moment-là, je mobilise toute mon attention à l'environnement pour trouver le bon angle, le bon trajet, le bon moment pour m'engager dans la traversée de la rue. Et cette attitude par rapport à l'improvisation, c'est une manière aussi de, d'accompagner tous les gestes qu'on peut faire dans la vie. J'exagère un peu, mais quand même. Bah, qui j'arrête semble à peu près dire la même chose. Écoutez-le, il compare l'art d'improviser avec l'art de se faire à manger. Bah, bien souvent, on fait avec ce qu'il y a. Je passais du classique à l'improvisation très rapidement, mais pas inversement. Parce qu'improviser, c'est comme se libérer de tout. Et après, il faut réapprendre à se discipliner. Ce sont des techniques complètement différentes au piano. Ou plutôt, dans l'improvisation, il n'y a pas de technique. Je suis désolé de continuer à utiliser la métaphore de la nourriture, mais quand vous ouvrez votre frigo, si vous n'avez que quelques œufs et que ce n'est pas exactement ce dont vous aviez envie, il vous faut tout de même faire quelque chose à manger. Eh bien, l'improvisation, c'est cela. Par lui-même, l'instrument peut faire deux ou trois choses excellentes, pas plus. Il me faut donc changer complètement mon jeu pour un seul concert, pour en être réellement satisfait. C'est ça qui est perturbant, Denis Laborde, quand on entend qu'ils arrêtent de parler de l'improvisation. Là, c'était le 11 octobre 2000 avec Lionel Esparza. C'est que, à la fois, on se dit, mais ça doit être épuisant de repartir de zéro à chaque fois. Et puis, la seconde d'après, on comprend qu'en fait, c'est ce qu'on fait nous-mêmes en permanence quand on vit. Vous avez bien pris l'exemple de celui qui veut traverser la rue. Mais en fait, en permanence, nous essayons de nous adapter à la situation que la vie nous présente. Au fond, nous sommes, pour être vivants, nous avons dû développer un art de l'adaptation permanente qui est proche de l'improvisation. Ce qui est extraordinaire dans cette prise de parole de Keith Jarrett, c'est qu'effectivement, la question de la tarte aux pommes, par exemple, est un cas d'étude canonique des sociologues de la cognition, des gens comme David Kirsch, on travaillait énormément là-dessus. Comment je m'y prends pour fabriquer une tarte aux pommes? Est-ce que c'est un moment crucial pour réfléchir sur la question de l'improvisation? On peut dire que le compositeur élabore l'ombre de Wittgenstein est présente dans ses considérations, mais bon, le compositeur compose et a un script qu'il suit rigoureusement. Il a une recette qu'il suit et il va fabriquer. Il sait ce qu'il va fabriquer. L'improvisateur est là, qu'ils arrêtent le dit d'une manière absolument exemplaire et vraiment bravo d'avoir trouvé cet extrait. C'est Esther Valency qui l'a trouvé. L'improvisateur se trouve dans la position de celui qui ouvre le placard et qui dit qu'est-ce que j'ai pour faire une tarte aux pommes. Et c'est vraiment ce que décrit qu'ils arrêtent. Voilà, il a dans le projet de faire une improvisation. Il ouvre son placard intérieur et il se dit voyons, qu'est-ce que j'ai en magasin pour faire. Qu'est-ce que j'ai pour faire une improvisation. Donc il y a une activité prescrite. L'activité prescrite, c'est faire une improvisation. Et ce qui n'est pas prescrit, c'est le moyen et les ingrédients qu'il va y mettre. Et la question est tout à fait différente et elle cible bien ce que peut être l'improvisation. Elle est tout à fait différente de celui qui prend une recette et qui la suit à la lettre. C'est ça. Mais d'ailleurs, dans d'autres archives, Keith Jarrett, qui use et abuse un peu de la métaphore culinaire, je dois dire, pour parler de la musique, comparait le pianiste classique à quelqu'un qui, le soir, se dirait, bah, tiens, qu'est-ce que je vais manger? Je vais commander de la nourriture chinoise, et puis on lui livrerait de la nourriture chinoise, et il s'arrêterait là. C'est l'effet que lui fait, lui, de jouer de la musique classique, où, tout est déjà écrit, et il suffit d'interpréter, alors que l'improvisateur, lui, justement, va prendre le temps de faire à manger. Mais c'est la différence qu'on a évoquée tout à l'heure entre faire de la musique et faire la musique. Au sens de la fabriquer, et l'improvisateur est dans ce registre-là de la fabrication de musique dont il nous rend témoin. Alors, Denis Laborde, je vous propose qu'on termine cette émission avec un dernier extrait, et je vais vous laisser le choix, puisque nous aussi improvisons, comme on le fait chaque matin d'ailleurs, à partir de la grande préparation. Je vais vous laisser le choix de la fin, au fond. Est-ce que vous voulez qu'on se quitte avec un dernier extrait du Köln Concert, un extrait autour de la 12e minute, où qu'ils arrêtent, semblent complètement partir en transe, ou avec un extrait du moins connu, mais non moins sublime, Concert de Norvège, qui est un moment aussi absolument incroyable? Écoutez, je pense que, après ce que vous avez dit du concert de Norvège, on va peut-être se diriger vers Stockholm. Eh ben, ouais. Ah non, Norvège. Stockholm, c'est la Suède. Oui, pardon. Oslo, peut-être. Un autre concert mythique. Oui, exactement, il y a un autre concert en Suède. Vers le concert de Suède, pardon. Bon, je vous remercie vraiment, Denis Laborde, d'avoir discuté avec nous ce matin, nous avoir enseigné à apprendre et analyser l'improvisation. C'est un plaisir, merci à vous. Et on mettra en ligne les références à vos ouvrages pour ceux de nos auditeurs qui souhaiteraient poursuivre cette réflexion. Voici donc un extrait du concert de Norvège de Keith Jarrett, 1972. Thank you. concert de Norvège de Keith Jarrett que vous pouvez regarder en intégralité en ligne. Il est disponible, vous verrez comment il joue, vous verrez l'attitude de son corps, de sa tête, et puis peut-être que vous deviendrez obsédé par ce concert et par lui, comme je le suis en ce moment, je dois dire, sur France Culture, les chemins de la philosophie. Il est temps de se changer les idées, de retrouver Aurélien Bélanger pour sa question philo du jour. Tu les aimes tes cours de philo ? C'est vraiment très enrichissant. Je demande encore un peu de pratique. Bonjour cher Aurélien. Bonjour Adèle, je ne vais pas improviser moi aujourd'hui. Eh oui, mais je sais bien, mais c'est dommage, peut-être qu'il faut le tenter, on essaiera une autre fois. En tout cas, votre question du jour est la suivante, sommes-nous vraiment prisonniers de chez nous ? Alors il existe une conjecture mathématique appelée le retournement de la sphère qui dit qu'on peut retourner n'importe quel ballon sans le déchirer pour inverser ses surfaces intérieures et extérieures. Ce n'est d'ailleurs même plus une conjecture depuis que la chose a été mathématiquement démontrée par Stephen Small en 1958. Et il existe ainsi quantité d'animations qui montrent ce fameux retournement de la sphère. C'est à la fois très impressionnant, absolument contre-intuitif et au final incompréhensible. Ça se torsade, ça se tord, ça se révulse et soudain la sphère est retournée. Imaginez les implications d'une telle opération en période de confinement. Nos intérieurs devenant soudain tout le monde du dehors. Inutile alors de se confiner devant Netflix et ses fenêtres minuscules. Ces courtes animations mathématiques sont autrement plus vertigineuses et rafraîchissantes. Et vous pensez que ça peut être suffisant et remplacer la fameuse dérogation d'une heure ? Bah, disons que pour que ça marche, il faudrait avoir l'esprit vraiment très mathématique ou entretenir des rapports érotiques avec la politique sanitaire du gouvernement. Mais en revoyant, j'avoue, un peu en vain ces vidéos, j'ai pensé néanmoins, aussi fantastiques qu'elles paraissent, à un endroit où je les ai vraiment vues incarner, un de mes lieux préférés de Paris, le musée des plans-reliefs dans les greniers des Invalides. Alors déjà, c'est passionnant d'un point de vue historique, c'est le Kriegsspiel du Roi Soleil, l'instantané de cette partie d'échec que ce roi qui aimait trop la guerre avait joué avec l'Europe comme adversaire, avec les étoiles de Vauban et les villes fortifiées en guise de pions. Et ce musée des plans-reliefs, soudain, il est encore plus fascinant si on le considère comme la salle de topologie du musée imaginaire des mathématiques. Racontez-nous. Bah, il suffit d'imaginer que la Terre est en plein retournement et que cette maquette du Mont-Saint-Michel, de la rade de Toulon ou des îles de Lérins, ce sont les originaux de ces lieux, des lieux tordus, réduits et convulsés qu'on aurait réussi à retourner avec toute la croûte terrestre pour les faire ressurgir ici comme des volcans au-dessus d'un point chaud. Oui, c'est une hypothèse un peu radicale alors. Radical, même mathématiquement exact. Depuis que je suis tombé sur ces vidéos du retournement de la sphère, je ne peux plus voir de maquettes, de maisons de poupées ou même de cartes autrement que comme des portes dérobées dans la géométrie euclidienne. Je serais même tenté de donner à cette hypothèse une confirmation empirique depuis que je suis allé courir avec mon voisin confiné du 6e, un enfant des montagnes, sur la butte Montmartre, heureusement situé à moins d'un kilomètre de chez nous. Alors il avait évidemment pris son maillot de finisher du trail du lac du Bourget, 75 km de course, 3500 mètres de dénivelé positif. Devant nous, comme sur son dos, ce n'était plus Montmartre, mais les Alpes immenses. Les Alpes arrivaient jusqu'à nous par la magie propre aux périodes de confinement du retournement de la sphère. Et nous avons systématiquement abordé la butte par toutes ses faces, par tous ses escaliers, Foyatier, Montceny, Cotin, Utrio, Colincourt, montant parfois leur marche deux par deux, dépassant le funiculaire, recommençant plusieurs fois la même ascension à cause de la fatigue qui nous faisait perdre, comme il arrive aux alpinistes, notre précieux discernement. Parvenu à 500 mètres de dénivelé, un dénivelé presque alpin, nous nous sommes même offert le luxe de descendre et de remonter les escaliers en spirale de la station Abbesse, la plus profonde de Paris. Oui, vous m'avez pas l'air très prisonnier de chez vous, hein, vous. Eh bien finalement, si, parce qu'après que le métro m'ait expulsé et que Montmartre m'a recraché comme un volcan, je me suis retrouvé soudain, prisonnier, paralysé par les pires courbatures de ma vie dans mon appartement. Merci pour votre question du jour et votre réponse Aurélien Bélanger. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Et merci, un immense merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui, depuis chez elle, chacune est confinée chez elle, et bien m'a suivi dans ce délire de semaine autour de Keith Jarrett qui n'est pas fini, hein, évidemment, on se retrouve demain. Aujourd'hui, c'est Clara de Giovanni qui a préparé cette émission en compagnie de Manon de la Selle, Avril Poignant-Legoff, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Esther Valencic qui réalise pour vous cette semaine. À la prise de son aujourd'hui, c'était Nasser Moussaoui, à la lecture des textes de Denis Podalides. Demain, pour la suite et fin de notre confinement avec Keith Jarrett, j'aurai le plaisir de recevoir le philosophe Christian Béthune qui viendra se demander ce que le jazz fait au temps. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission ainsi que les précédentes autour de Keith Jarrett si vous voulez un confinement complet. Pour ça, il suffit de télécharger l'application Radio France qui vous permet d'écouter toutes les émissions de tout le groupe Radio France en direct, mais aussi en téléchargement, en podcast. Comme ça, vous les écoutez où vous voulez et quand vous voulez. Et puis, on vous attend également sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. On est toujours ravis de lire vos commentaires et de répondre à vos questions. À demain, 10h, mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture. Demain, je vous l'annonce, ce sera un autre jour à démarrer avec les matins de France Culture. Informer, réagir, les matins de France Culture, Guillaume Herner. Avec nos journalistes, des penseurs et des artistes, alors je vous attends dès 7h. Les matins de France Culture, dès 7h et sur franceculture.fr.